Échangeur 22, résidence ressources, création contemporaine. Nora, Nora, Nora. Une occupation. Un bivouac artistique. Une résidence hors les murs. In vivo, prieuré Saint-Pierre de Pont-Saint-Esprit. Le mois de juin. Je m'appelle Évelyse Millet, artiste plasticienne. Je travaille principalement le dessin élargi, un dessin qui va s'affirmer en dehors de son support classique. Un travail qui s'intéresse à l'environnement dans lequel je me trouve, au territoire. Les questions liées à l'espace, nos occupations de l'espace, l'espace dans lequel on vit, la question du paysage, tout ce qui concerne le territoire. À Pont-Saint-Esprit, j'ai mené principalement deux projets. J'ai arpenté les rives de l'Ardèche et du Rhône et j'ai réalisé l'empreinte de la surface de l'eau. J'ai posé différentes feuilles à différents endroits de tenter de capter un flux, de capter un mouvement, capter les impuretés qui étaient en flottaison, des sédiments portés par le vent, des végétaux en suspension, se sont déposés sur cette feuille de papier. Donc ces empreintes révèlent une trace éphémère d'un passage, un cours d'eau. Les deux projets que j'ai menés concernent ce rapport au passage. Et je me suis documentée sur le pont de Pont-Saint-Esprit. Donc j'ai arpenté ce pont plusieurs fois, je l'ai traversé. Ce pont a l'air hyper important, il est extrêmement beau, c'est un des ponts les plus anciens sur le Rhône et il est très mal entretenu. Comment parler de ça? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Il y avait une légende qui parlait d'un 13e ouvrier qui avait permis d'avancer extrêmement vite. Je me suis imaginée être une espèce de 13e ouvrier. Donc je me suis mise à balayer l'espace piéton du pont, de manière un peu symbolique pour parler d'un entretien à faire. C'est un geste répétitif, un geste quotidien. In vivo, un projet E22 sur l'invitation de Pont-Saint-Esprit, soutenu par la politique de la ville.